Alléluia. Alléluia. What a blessed day. Quel jour béni. The Lord has navigated me to be here at this time. Le Seigneur m'a maintenant dirigé pour être ici en ce moment. Now today I want to share something very, very critical. Et aujourd'hui, je désire partager quelque chose de très, très critique. And today this is going to be significant to you. Aujourd'hui, ça va être significatif pour vous. And indeed, what I'm going to say today is actually going to walk you down the prophetic timeline of God. Et en vérité, ce que je vais dire aujourd'hui va actuellement vous amener dans la chronologie prophétique de Dieu. And at the end of this session, et à la fin de cette session, you'll be able to know exactly where we are at the church. Vous allez être capable de savoir exactement où nous sommes en tant qu'Église. At exact place. À quelle place exactement? You'll be able to know how critical this message is today. Vous allez être en mesure de savoir combien critique est ce message aujourd'hui. You'll be able to understand. Vous allez être en mesure de comprendre. In other words, what you see in your news. En d'autres mots, ce que vous voyez dans vos nouvelles, you'll be able to well understand, vous allez être capable de comprendre mieux the things you hear on your radio, reading the papers, les choses que vous entendez à la radio ou sur les journaux in the world today. Dans le monde aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Now, I'm going to describe a vision. Maintenant, je vais décrire une vision. A very critical vision of the Lord, and then you'll understand what's happening globally. Une vision du Seigneur très critique, et ensuite vous allez comprendre ce qui se passe globalement. Now, it was August 19th, the year 2008. Maintenant, c'était le 19 août de l'année 2008. When God the Father again. Quand Dieu le Père encore. Visited with me in a very extraordinary way. M'a visité d'une manière très extraordinaire. God the Father. Dieu le Père. The Father of our Lord Jesus Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus Christ. And he came to speak with me about a significant event. Et il est venu pour parler avec moi à propos d'un événement significatif. What is the event? Quel est cet événement? The event of the coming of the Messiah. L'événement de la venue du Messie. And so you can see very clearly. Et alors vous pouvez voir très clairement that everything, every conversation that the Lord has engaged me on, que chaque chose, chaque conversation dans laquelle le Seigneur m'a engagé has gravitated strictly around the coming of the Messiah. A gravité strictement autour de la venue du Messie. I'm going to describe the vision very shortly and then I'll walk with you. Je vais décrire la vision très courtement et ensuite je vais marcher avec vous into the understanding of the instruction to the church. Dans la compréhension de l'instruction pour l'Église. Now, maintenant, in that mighty vision of night, dans cette puissante vision de la nuit, the Lord lifted me up, le Seigneur m'a élevé above the earth, de la terre, and I found myself standing right before the throne of God Almighty inside heaven. Et je me suis trouvé debout juste devant le trône du Dieu Tout-Puissant à l'intérieur des cieux. And when I was standing before the throne of God Almighty inside heaven, et quand j'étais debout devant le trône du Dieu Tout-Puissant à l'intérieur des cieux, the glory of the Lord covered the entire throne like a mountain over the throne. La gloire du Seigneur a couvert le trône entier comme une montagne au-dessus du trône. And he made me know, et il m'a laissé savoir that he that sits on the throne, que celui qui est assis sur le trône, was indeed seated on the throne, était en réalité assis sur le trône. And then after that, et ensuite, après cela, immediately out of the glory, immédiatement après la gloire of the throne, du trône, came out, est sorti a living creature, une créature vivante. And when the living creature came, et quand la créature vivante est venue, the first reaction I had, la première réaction que j'ai eue was shock, fear and terror, était un choc de la peur et de la terreur. Shock, fear and terror. Un choc de la peur, de la terreur. Why? Pourquoi? Because I've never seen him before. Parce que je ne l'avais jamais vu avant. But he came from the glory. Mais il est venu de la gloire. And he came all the way because he came closer to me. Et il est venu tout le chemin parce qu'il est venu plus près de moi. That is what terrorized me, that vision. C'est ce qui m'a terrorisé dans cette vision. And in some of the articles, I think in the web, I describe. Dans un de ces articles, je pense sur le web, je décris. I know that I'm not allowed to describe more than that, what I have given out. Je sais que je ne suis pas autorisé à décrire plus que ça, ce que j'ai déjà donné. But I describe a little bit the expression, the message I picked from him. Mais je décris un petit peu l'expression du message que j'ai reçu de lui. The gravity, the veracity, the seriousness, the severity. La gravité, la véracité, le sérieux, la sévérité. As he came towards me, comme il est venu contre moi, and very close, et très proche. Only later I understood that the Lord wanted me to identify him first. Seulement plus tard, j'ai compris que le Seigneur désirait que je l'identifie, premièrement. Before the downstream events. Avant les événements qui vont suivre. But after the Lord was sure that I've seen him, mais après que le Seigneur était sûr que je l'avais vu, I identified him. Je l'ai identifié. And I described the lines on the face. Et je décris les lignes de la face. I described that. Je décris ceci. And then he went back to the glory. Et ensuite, il est retourné à la gloire. And he entered in and disappeared in the throne. Et il est entré et a disparu dans le trône. At that point, à ce point, Jehovah opened my eyes further. Jéhovah a ouvert mes yeux plus tard. And I could now see. Et je pouvais maintenant voir that creature inside the glory in the throne, cette créature à l'intérieur de la gloire dans le trône. And I saw him release a black horse. Et je l'ai vu relâcher le cheval noir. Black. Noir. A black horse. Probably nobody ever thought there's a black horse in heaven, probably. Probablement personne ne savait qu'il y avait un cheval noir dans les cieux. Probablement. I don't know, but for me, I did not think at that time. Je ne sais pas, mais pour moi, je ne pensais pas en ce moment. But he released the black horse. Mais il a relâché le cheval noir. And the black horse came out. Et le cheval noir est sorti. And I saw the black horseman, the rider of the horse. Et j'ai vu le cavalier noir, celui qui montait le cheval noir. Running around heaven with a horse, courant autour du ciel avec le cheval, and then he came towards me. Et ensuite il est venu vers moi. When he came towards me, the horse, quand il est venu vers moi, le cheval, he came, and when the horse stopped before me, il est venu et quand le cheval s'est arrêté devant moi, then there is something the Lord wanted to show me about this black horse. Il y avait quelque chose que le Seigneur voulait me montrer à propos de ce cheval noir. Listen to this, focus on this. Écoutez ceci, concentrez-vous sur ceci. The black horse in heaven, le cheval noir dans le ciel, has long hair, a de longs crins. Long, white, glorious hair that runs from the neck, des cheveux longs, blancs et glorieux qui venaient depuis le cou. all the way down. Jusqu'en bas. Called mane. In English, they call it mane. Ça s'appelle la crinière. En anglais, c'est mane. M-A-N-E. M-A-N-E. And it's curly surface. Curly, curly, bien curly. You know curly hair, curly. Et c'est bouclé. Vous savez, bouclé. Curly like this. Comme ceci. Very curly. Très bouclé. But going down, curly down. Et ça va contre en bas et c'est encore frisé en bas. So when the black horse stopped right before me. Alors quand le cheval noir s'est arrêté juste devant moi. Then look everybody. Alors regardez chacun. Then he stretched his mane like this. Alors il a étalé sa crinière comme ceci. And tremendous glory came out of that white mane. Et de la, une très grande gloire est sortie de cette crinière blanche. The black horse, white, glorious mane. Le cheval noir, une crinière blanche glorieuse. The black horse has white, glorious mane, white, glorious hair from here all the way towards down. Le cheval noir a une crinière blanche et glorieuse, des crins blancs qui vont jusqu'en bas. And when he stretches, the glory pervades, the glory spreads out from there. Et quand il l'a étalé, la gloire s'est répandue depuis là. And then in a moment I saw the rider of the black horse. Et en un moment, j'ai vu le cavalier du cheval noir. Running all over all the nations of the earth down, I saw him go down to the earth. Courant parmi toutes les nations de la terre. Descendant, je l'ai vu descendre sur la terre. That is the vision I want to share tonight. C'est la vision que je désire partager ce soir. And then explain to you how that hinges very directly. Et je vous explique comment cela met des charnières très directement onto your Christian life. Dans votre vie chrétienne. And on the matters of the coming of the Messiah. Et dans la question de la venue du Messie. Then I woke up, of course, looked for it in the Bible and understood the message the Lord was saying. Et ensuite, je me suis réveillé. Naturellement, regarde pour ceci dans la Bible et j'ai compris le message que le Seigneur voulait dire. Now, maintenant, precious people, précieux peuple, what is the Lord saying? Qu'est-ce que le Seigneur dit to the church through the black horse. À l'église, à travers le cheval noir. A black one, not white. Un noir et non blanc. I began immediately at that time to prophesy. J'ai commencé immédiatement dans ce temps à prophétiser. Globally, across the globe. Globalement, à travers le globe. Beginning with a meeting that began on August 23rd, Saturday. Commençant avec un rassemblement qui a commencé le 23 août, le samedi. And August 24th, Sunday, back 2008. Et le dimanche 24 août 2008. In Nakuru, in Kenya, a town in Kenya called Nakuru. À Nakuru, au Kenya, dans une ville appelée Nakuru. And I began to say, et j'ai commencé à dire, I stood before almost 2.5 million people. It was non-stop ground. Et j'étais debout devant 2,5 millions de gens. C'était, ils étaient partout sur le sol. And I said, et j'ai dit, I have seen the release of the black horse from heaven. J'ai vu le lâchement du cheval noir dans les cieux. And I say that means there is a global economic crisis coming to the earth. Et j'ai dit, ça signifie qu'il va y avoir une crise économique globale sur la terre. And I say that that also means that there is global famine, lack of food, hungry, global hungry coming to the earth. Et j'ai dit que ce cheval signifie qu'il va y avoir une famine globale, un manque de nourriture. La faim, une faim globale qui vient sur la terre. Et je suis allé tout autour du monde Mais quand vous regardez les vidéos tout autour du monde, South Korea, en Corée du Sud, Venezuela, au Venezuela, Chile, au Chili, wherever, Australia, you see, always you see me do like this. That he stretch his name, he stretch his hair like this. You only see me do like that. Vous me voyez faire comme ceci. Il étale sa crinière. Il l'étale comme ceci. Vous me voyez toujours faire comme ceci. When I took the message that very year to Toronto, Canada for a conference. Quand j'ai amené ce message cette même année à Toronto pour une conference. Because the pastors there said. Parce que les pasteurs là ont dit. Men of God. Homme de Dieu. We understand that the Lord has spoken with you about the coming of the Messiah. Nous comprenons que le Seigneur a parlé avec vous à propos de la venue du Messie. And that you are rebuking sin. Et que vous rejetez le péché. They said, please come to us in Canada also. Alors ils ont dit, s'il vous plaît, venez à nous au Canada aussi. We also want to enter. Come rebuke us also. Nous désirons aussi entrer. Venez nous réprimander aussi. So I went to Toronto. Alors je suis allé à Toronto. But that very time in Toronto. Mais pendant ce temps à Toronto, October of that year, en octobre de cette année, 2008, en 2008, as I was still speaking about it, alors que j'étais encore en train de parler à propos de ceci, as I was still prophesying, alors que j'étais encore en train de prophétiser, they came to me and asked me after the meeting. Ils sont venus à moi et m'ont demandé après le rassemblement. Are you aware that what you are talking about is in the news right now? It's breaking news. Êtes-vous au courant que ce dont vous parlez est aux nouvelles juste maintenant? Ils ont tout arrêté pour le dire. Then I said, but I have not yet watched news. Alors j'ai dit, je n'ai pas regardé les nouvelles maintenant. And when I checked, what did I see in the news? Et quand j'ai observé ce que j'ai vu aux nouvelles, all the global financial markets crashed. Tout le marché financier global s'est écroulé. From the west to the east, from the north to the south. De l'ouest à l'est, du nord au sud. Even me, I was shocked. Même moi, j'étais choqué. They crashed. Ils se sont écroulés. And later I found out it began. Et plus tard, j'ai trouvé que ça commençait by the collapse of the global investment bank called the Lehman Brothers. Par la chute de l'investissement global qu'ils appellent Lehman Brothers. Everybody else that was carrying their stocks found out they had zero. Alors tous les autres qui avaient porté leurs fonds ont trouvé qu'ils avaient zéro. Everything crashed. Bankruptcy was declared. Tout s'est écroulé. Des faillites qui ont été déclarées. So there began the roller coaster. Là ont commencé les montagnes russes. So I changed my tongue. I said it has now been fulfilled. Alors j'ai changé ma langue et j'ai dit maintenant c'est accompli. And then, et ensuite, July 31st, le 21 juillet to August 4th, au 4 août, I was at the east coast of Australia in Brisbane, another conference to tell them to prepare for the coming of the king. J'étais sur la côte est de l'Australie à Brisbane, une autre conférence pour leur dire de se préparer pour la venue du roi. They said, "Men of God, come and rebuke us also in Australia." Ils ont dit, "Homme de Dieu, viens et réprimande-nous aussi en Australie." We too need to prepare. Nous aussi, nous avons besoin de nous préparer. So I went faithfully. I said, okay. Je suis allé. I always come expecting all rejection. In fact, I see dreams about my coming if I come. Je viens toujours m'attendant à être rejeté. En fait, je vois des rêves concernant ma venue avant que je vienne. And today is a big blessing. That means you will carry this message. Et aujourd'hui, c'est une grande bénédiction. Ça signifie que vous allez porter ce message. You will carry this word. Vous allez porter ces mots. If you don't carry, you have so much blood in your hands. Et si vous ne le portez pas, vous avez tellement de sang dans vos mains. You have to carry this message. There's no choice. Vous avez à porter ce message. Il n'y a pas de choix. Because for me, once the ship takes off back to the ocean, parce que pour moi, quand le navire se retire dans l'océan, it will go. Il va s'en aller. But listen. Mais écoutez, while standing at Brisbane, pendant que j'étais à Brisbane, I say that the second bout is coming. J'ai dit que la seconde crise vient. And then now you see what's happening globally. Et alors maintenant, vous voyez ce qui se passe d'une manière globale. You see what is happening to Greece. Vous voyez ce qui se passe en Grèce. What is happening to Occupy Wall Street. Révolte à Wall Street. Occupy Europe, Occupy Ottawa, Canada. Révolte en Europe. Révolte à Ottawa, Canada. Occupy Asia. Révolte en Asie. But what is the message to the church? Mais quel est le message pour l'Église? Listen very carefully, precious people. Écoutez très attentivement, précieux peuple. This message defines the prophetic timeline of God. Ce message définit la chronologie prophétique de Dieu to the church. Pour l'Église. Let me put it this way. Laissez-moi le mettre de cette manière. One time, again, listen everybody. Une fois, écoutez tous. It was common practice for Jesus Christ of Nazareth. C'était une pratique commune pour Jésus-Christ de Nazareth. That every time he had ministered to the people, que chaque fois qu'il a prêché au peuple, he always withdrew from the multitude. Toujours retiré de la multitude. That was common practice. C'était une pratique commune. And every time he withdrew, he always liked going to the Mount of Olives to rest his ribs a little bit on the rock. Et chaque fois qu'il se retirait, il aimait toujours aller au Mont des Oliviers pour reposer ses côtes sur les rochers. The Messiah had no home. Le Messie n'a pas de foyer. The Messiah did not have a home to retreat to and rest. Le Messie n'a pas de maison pour se retirer et se reposer. I thought that's amazing. J'ai pensé que c'est étonnant. That's why I keep telling the pastor, you don't have to put me in any place. I could be in the streets and he would still be God. C'est pourquoi je continue à dire au pasteur, vous n'avez pas à me mettre nulle part. Je pourrais être dans les rues et il sera encore Dieu. He would still be Jehovah the Almighty. Il sera encore Jéhovah le Tout-Puissant. But anyway, mais qu'importe. In one of those days, dans un de ces jours, after Jesus had finished ministering to the multitude, après que Jésus a prêché à la multitude, and he was withdrawing from the public, il s'était retiré du public, towards the Mount of Olives, à la montagne des Oliviers, where he liked going, où il aime aller, to rest a little bit, pour se reposer un peu. To be ministered to by the Holy Spirit. Pour être fortifié par le Saint-Esprit. To be renourished. Pour être nourri à nouveau. By the Father. Par le Père. In one of those days, when he was trying to withdraw from the temple, the disciples came up to him. Et un de ces jours, alors qu'il essayait de se retirer du temple, ses disciples sont venus à lui. And they stopped him. Et ils l'ont arrêté. And the Bible says, et la Bible dit, when they stopped him, quand ils l'ont arrêté, they said, Rabbi, teacher, ils ont dit, Rabbi, maître, look at the temple buildings. Regarde aux pierres de ce temple. Look at how beautiful they are. Regarde comment c'est beau. Look at the stunning architecture. Regarde cette architecture étonnante. The book of Luke says, le livre de Luc dit, look at the magnificence of the building. Regarde à la magnificence de ce bâtiment. And look at the gifts, which is the gold that was brought in the house. Regarde au présent ce qui signifie l'or qui a été apporté dans la maison. And used to build the pillars. Et a été utilisé pour construire les piliers. The Bible says, la Bible dit, they tried to draw his attention to the temple buildings. Ils ont essayé d'attirer son attention sur le bâtiment du temple. and the magnificence of the architecture of those buildings. Et de la magnificence de l'architecture de ce bâtiment. Listen to what Jesus answered. Écoutez ce que le Seigneur a répondu. When Jesus looked at them, quand le Seigneur les a regardés, then he answered back. Il leur a répondu. He broke their hearts, though. Il a brisé leur cœur. He answered and said, hey, il a répondu et a dit, hey, do you see these buildings? Vous voyez ce bâtiment? The time is coming. Le temps vient when they must be broke down. Où ils vont être démolis. And when they are broke down, et quand ils sont démolis, no stone will be left on another. Aucune pierre ne restera l'une sur l'autre. So their hearts were broken. Alors, leur cœur était brisé. Why would anyone destroy such beautiful buildings on Mount Moriah? Pourquoi désire-t-il détruire un tel beau bâtiment au Mont Morija? The temple of God, le temple de Dieu, the house of Jehovah, la maison de Jéhovah, they wondered. Ils s'étonnaient. But listen very well. Mais écoutez attentivement, very, very carefully. Très très attentivement. Vous vous souvenez une fois où le Seigneur Jésus désirait parler à ses disciples? He was not sure whether the disciples knew whom he was. Il n'était pas sûr si ses disciples savaient qui il était. So one time he came to them and asked them, alors une fois, il est venu à eux et il leur a demandé. You know, he passed the question around, by the way. Vous savez, au fait, il tourne autour de la question. He asked them, il leur a demandé. Qui disent-ils que je suis? Qui les gens disent-ils que je suis? He used the people. To be able to ask them. Alors il utilise les gens pour être en mesure de leur demander à eux. Alors ils ont regardé autour d'eux et ils ont dit ceci et toute chose. And then he turned to them and said, "How about you?" Et ensuite il s'est tourné vers eux et leur disant, qu'en est-il de vous? Who do you say I am? Qui dites-vous que je suis? And then, et ensuite, Simon Peter, Simon Pierre, came forward to him and said, "You are Christ, the Son of the Living God." Vint à lui et dit, "Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant." And he looked at Peter and said, "Peter." Et il a regardé Pierre et lui a dit, "Pierre, that has not come from the world. Ceci ne vient pas du monde. That has come direct from my Father." Ceci vient directement de mon Père. Meaning transmitted by the Holy Spirit. Signifiant transmis par le Saint-Esprit. So the same thing happened in this occasion. Alors, la même chose est arrivée à cette occasion. When Jesus said, quand Jésus a dit, they will be brought down, the temple buildings. Ces bâtiments vont s'écrouler. That the temple buildings will be brought down. Que les bâtiments du temple vont s'écrouler. The same thing happened. La même chose est arrivée. Immediately, immédiatement, they received wisdom from the Lord. Ils ont reçu de la sagesse de la part du Seigneur. And they realized, et ils ont réalisé that Jesus was a matter of fact, talking about, que Jésus, en fait, était en train de parler his coming, his second coming, de sa venue, de sa seconde venue, and talking about, et parlant à propos, the signs of the end of the age, des signes de la fin des temps. So they gathered quickly and came before him. Alors, ils se sont vite rassemblés et sont venus à lui, and they said, "Master." Et ils ont dit, "Maître, when will this happen? Quand est-ce que ça va arriver? And what will be the signs of your coming and of the end of the age?" Et quels seront les signes de ta venue et de la fin des temps? Alléluia. Alléluia. And so, when the Lord Jesus opened his breath to them to respond, alors quand le Seigneur Jésus a ouvert sa bouche pour leur répondre, there came from, alors est venu the most central prophecy in the entire Bible combined. La prophétie la plus centrale de toute la Bible combinée. Again. Encore. When Jesus attempted to answer the disciples, quand Jésus essayait de répondre à ses disciples, there was marked out the most central prophecy in the whole Bible. Est née la plus centrale des prophéties de toute la Bible. Why? Pourquoi? Because that is the prophecy that talks about the signs of the coming of the Messiah. Parce que c'est la prophétie qui parle à propos des signes de la venue du Messie. All the other prophecies in the Bible just rotate around the prophecy. Toutes les autres prophéties de la Bible juste tournent autour de cette prophétie. And because he was sitting on the rock on the Mount of Olives. Et parce qu'il était assis sur le rocher, sur le mont des Oliviers, when he gave that prophecy, où il a donné cette prophétie, it is called the Mount of Olives prophecy. C'est appelé la prophétie du mont des Oliviers. But for me, because I've been going around the world prophesying it, mais pour moi, parce que je suis allé tout autour du monde pour prophétiser ceci, giving this prophecy as the Lord gave me, donnant cette prophétie comme le Seigneur me l'a donnée, I will call it the prophecy of the four apocalyptic horsemen. Je vais appeler ceci la prophétie des quatre cavaliers apocalyptiques. Let us begin from there so you may understand this very, very carefully. Commençons par ceci de là, alors vous allez comprendre très, très soigneusement. So make sure you are alert, you just catch what you can catch and move with. Soyez sûr d'être alerte, alors vous pouvez prendre ce que vous pouvez prendre et vous déplacer avec. Listen to this. Écoutez ceci. Because of the significance of that prophecy, à cause de la signification de cette prophétie, you would think you should find it in the four glorious gospels. Vous allez penser que vous allez le trouver dans les quatre glorieux évangiles. Because you know you anchor yourself on the four glorious gospels as you preach the Bible. Parce que vous savez, vous vous ancrez vous-même dans les quatre évangiles quand vous prêchez la Bible. Les quatre évangiles, ils dénotent le ministère du Seigneur Jésus. And the tremendous works of his ministry. Et l'œuvre énorme de son ministère. But if you go in the book of Matthew, mais quand vous allez à l'évangile de Matthieu, you'll find that Matthew recognized the significance of that prophecy. Vous allez trouver que Matthieu reconnaît la signification de cette prophétie. And he put it in Matthew chapter 24. Et il la met dans Matthieu chapitre 24. Mark also realized that this prophecy was central. Mark aussi a réalisé que cette prophétie était centrale. And he put it in the book of Mark chapter 13. Et il l'a mise dans l'évangile de Marc, chapitre 13. Le second évangile glorieux. Le troisième glorieux évangile. Luc reconnaît la signification de ces énoncés. Et il l'a mis dans Luc chapitre 21. Si vous allez à l'évangile de Jean, vous n'allez pas le trouver. Then the first question becomes, why did John record this most central prophecy? Et la première question qui vient, c'est de se demander pourquoi Jean n'a pas enregistré cette prophétie centrale. Why is it that Matthew put it in Matthew 24? Pourquoi est-ce que Matthieu l'a mis dans Matthieu 24? Marc et Marc 13. Marc dans Marc 13. Luc et Luc 21. Luc dans Luc 21. And then John skipped it. Why? Jean l'a sauté. Pourquoi? The reason is this. La raison est ceci. The Holy Spirit put John aside. Le Saint-Esprit a mis Jean à part. That John may receive the revelation transcripts of this prophecy. Pour que Jean puisse recevoir la révélation transcrite de cette prophétie. That when John finally records them in the book of Revelation chapter 6, que Jean finalement les a enregistrés dans le livre de l'Apocalypse chapitre 6. When you read the Mount of Olives prophecy, quand vous lisez La prophétie du mont des Oliviers. And then you watch your news. Et ensuite, vous regardez vos nouvelles. And read Revelation chapter 6. Et que vous lisez l'Apocalypse chapitre 6. Then you will understand where we are at. Alors vous allez comprendre où nous sommes. What is coming? La suite vient. Alléluia. Alléluia. The translation of it. La traduction de cela. Listen. Écoutez. Also, it is a testament to today's church all over the world. Il y a un testament pour l'Église d'aujourd'hui, tout autour du monde. The Bible is a priest's Bible. Que la Bible interprète la Bible. Que la Bible interprète la Bible. Mais parfois, vous ne pouvez pas lire les livres de philosophie ou les livres de psychologie. But get the Holy Spirit to teach you. Mais prendre le Saint-Esprit pour vous enseigner. Anyhow, qu'importe. In the book of Matthew, chapter 24, we'll take Matthew as an example. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, nous prenons Matthieu comme exemple. What is the prophecy of the four apocalyptic horsemen? Quelle est la prophétie des quatre cavaliers apocalyptiques? I prophesied the first horseman across the globe in the west and east. J'ai prophétisé le premier cavalier autour du globe, l'ouest à l'est. The second horseman. Le deuxième cavalier. The third and the fourth. Le troisième et le quatrième. So what is that prophecy? And then, how does the prophecy of the black horse now speak about the timing, the place? Qu'est-ce que cette prophétie? Et comment est-ce que la prophétie du cheval noir parle à propos du moment, de la place? Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. In Matthew chapter 24, dans Matthieu, le chapitre 24, I am reading from verse 1, verse 4 is my target. Matthew 24, I'm reading from verse 1, it says, je lis dans Matthieu 24, je lis du verset 1, le verset 4 est mon but. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. The magnificence of the buildings. La magnificence des constructions. Verse 2 says, do you see all these things? He asked. Au verset 2, il dit, voyez-vous tout cela? Demanda-t-il. I tell you the truth. Je vous dis la vérité. Not one stone here will be left on another. Every stone will be thrown down. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, remember that, sitting on the rock, on the Mount of Olives. Comme Jésus était assis au Mont des Oliviers, souvenez-vous de cela, assis sur le roc au Mont des Oliviers. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, comme Jésus était assis au Mont des Oliviers, the disciples came to him privately. Les disciples vinrent à lui en privé. If I were you, I would underline the word privately. Si j'étais vous, je soulignerais les mots en privé. Not publicly. Ça n'est pas public. Privately. En privé. The disciples came to him privately. Les disciples vinrent à lui en privé. Tell us, they said. Dis-nous, ont-ils dit. When will this happen and what will be the sign? You are coming. Quand cela arrivera et quel sera le signe de ta venue and of the end of the age. Et de la fin des temps. So, they discovered that Jesus was actually talking about. Alors ils ont découvert que Jésus était en train de parler à propos the sign for his coming, des signes de sa venue and for the end of the age. Et de la fin des temps. Alléluia. Alléluia. This is key. This is big. So when you watch your news from today on. Ça c'est la clé. C'est grand. Alors quand vous regardez vos nouvelles depuis aujourd'hui et plus tard, you will now know what to do for yourself. Vous allez maintenant savoir quoi faire pour vous-même. All the nations will gather before him. Toutes les nations vont se rassembler devant lui. And everybody will carry his luggage. Et chacun va porter ses bagages. And before the throne of God, give their own news item. Devant le trône de Dieu, donne leurs propres nouvelles. Account for all their lives. Ils rendent compte pour toute leur vie. That's why I'm saying, as I give this, c'est pourquoi je dis, quand je donne ceci, when you get this revelation today, quand vous avez cette révélation aujourd'hui, when you watch the news alone at home, quand vous regardez les nouvelles seul à la maison, you know what to do for yourself. Vous savez quoi faire pour vous-même. Vous n'allez pas être en mesure de dire, Seigneur, mon pasteur n'a pas dit ceci. Lord, you know, but no. Seigneur, tu sais, non. You will be alone. Vous allez être seul. So in this scripture, alors, dans cette écriture, what amazes me is that the disciples came to him privately. Alors, ce qui m'étonne, c'est que ses disciples sont venus à lui en privé. Not in the public, and he was sitting on the rock. Non pas en public, et il était assis sur le rocher. And then listen to what he said. Écoutez ce qu'il dit. When he answered them when they asked. Quand il leur a répondu au moment où ils ont demandé, what will be the signs of your coming? Quels vont être les signes de ta venue? And of the end of the age. Et de la fin des temps. Listen to what he answered. Verse 4. Écoutez ce qu'il a répondu au verset 4. Verse 4 is the most important prophecy in the whole Bible combined. Le verset 4 est la prophétie la plus importante de toute la Bible combinée. When he opened his breath to answer, verse 4 is the most important prophecy in the entire Bible. Quand il a ouvert sa bouche pour répondre, le verset 4 est la prophétie la plus importante de toute la Bible. The rest of prophecies just revolve around this. Le reste des autres prophéties tourne juste autour de ceci. He said, il a dit, Jesus answered, Jésus a répondu, watch out that no one deceives you. Prenez garde que personne ne vous trompe. If I were you and meet the word deceive, I would underline the word deceive. Si j'étais à votre place, je soulignerais le mot tromper. These are now the aspects of the Mount of Olives prophecy. Ce sont les aspects de la prophétie du Mont des Oliviers. These are the specific elements of the prophecy of the four apocalyptic horsemen. Ce sont les éléments spécifiques de la prophétie des quatre cavaliers apocalyptiques. The horsemen of the end time. Les cavaliers des temps de la fin. The horsemen like the one the Lord used me to prophesy before the global crisis, economic crisis. Le Seigneur m'a utilisé pour prophétiser ce cavalier avant la crise économique globale. And I'm going to share the one about what you see in the Arab world, the death you see there. Et je m'en vais partager celui à propos de ce que vous voyez dans le monde arabe, la mort que vous voyez là. But this is it now. Cette tromperie maintenant. The first one is, again, he says, watch out that nobody deceives you. Encore, il dit, prenez garde que personne ne vous trompe. Underline the word deceive, he says. Soulignez le mot tromperie, dit-il. For many will come in my name, car plusieurs viendront sous mon nom, claiming I am the Christ, disant je suis le Christ, and will deceive many. Et ils vont en tromper beaucoup. I meet another word, deceive, I underline it right there. Je rencontre le mot tromperie et souligne-le encore. So the first prophecy. Alors, la première prophétie, the first prophecy, la première prophétie, in the prophecy of the four apocalyptic horsemen, dans la prophétie des quatre cavaliers apocalyptiques, the first sign when they ask, what will be the sign? Le premier signe, quand ils demandent, quel en sera le signe? The first sign that Jesus told them to watch out for. Le premier signe où Jésus leur dit de prendre garde, c'était la tromperie. Please, If you're making notes, let me help you. S'il vous plaît, si vous prenez des notes, laissez-moi vous aider. Deceive you. What sort of government deceives you? Vous trompe. Prenez garde à ce que personne ne vous trompe. Many will come to deceive, which means. Beaucoup vont venir pour tromper, ce qui signifie. Right before I come, there will be a dispensation of deception. Juste avant que je vienne, il va y avoir une dispensation de tromperie. But deception where? De tromperie, où? Let me explain to you where the deception will be. Laissez-moi vous expliquer où la tromperie va être. Look at this again. Regardez à ceci encore. The Messiah. Le Messie. Jesus was sitting on the rock, on the Mount of Olives. Jésus était assis sur le rocher. Au mont des Oliviers. And they came after him privately. Et ils sont venus à lui en privé. The 12, private. Les 12, en privé. And he was doing this. Look. Et il était en train de faire ceci. Regardez. Watch out that nobody deceives you. Prenez garde que personne ne vous trompe. So he meant deception where? Alors il pensait tromperie ici. In the church. Dans l'église. In other words, when you will see deception in the church. En d'autres mots, quand vous verrez de la tromperie dans l'église, then know my coming has reached. Alors, maintenant, ma venue est proche. And again, when you look very carefully. Encore, quand il regardait très attentivement, at who he was warning about deception. À qui il était en train de mettre en garde à propos de la déception. Deception on who? Déception de qui? The priesthood. De la prêtrise. The 12 disciples represented the priesthood. Les 12 disciples représentaient la prêtrise. The pastors. Les pasteurs. Apostles. Les apôtres. You don't understand me. Vous commencez à me comprendre. The those days before I come. Ces jours avant que je vienne. The day is right before I come. Les jours juste avant que je vienne, there will be so much deception. Il va y avoir tellement de tromperies. In the church, and specifically in the priesthood. Dans l'église et spécialement dans la prêtrise. At the pulpit. À la chair. You hear me, right? Vous m'entendez, juste? And then, let's move on. Et ensuite, allons plus loin. When he goes on, he gives the second prophecy. Après, il a donné la seconde prophétie. And he says, et il dit, you hear of wars and rumors of wars. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. But see to it that you're not alarmed. Gardez-vous d'être troublé. Something must happen, but the end is still to come. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Nation will rise against nation. Une nation s'élèvera contre une nation. And kingdom against kingdom. Et un royaume contre un royaume. Second prophecy, because they asked him, Lord, what will be the signs before you come? Seconde prophétie, parce qu'ils ont demandé, Seigneur, quel sera le signe, les signes, avant que tu viennes. So we may not be caught off guard. Alors nous ne serons pas pris au dépourvu. So we may see and prepare. Alors nous pouvons voir et nous préparer. That's why I am here today. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. The first one is deception. Premier, il dit déception. There, in the church. Là, dans l'église. If you want to deceive the world, si vous voulez tromper le monde, if you want to deceive the whole earth, si vous voulez tromper toute la terre, you will just have to deceive the church. Vous avez juste à tromper l'église. If you want to deceive the nation, si vous désirez tromper les nations, you just have to deceive the church. Vous avez juste à tromper l'église. But if you want to deceive the church anyhow, mais si vous désirez tromper l'église n'importe comment, you must deceive the pulpit. You devez tromper la chair. Once you deceive the pulpit, it is done. Quand vous avez déçu la chair, alors c'est fait. Everybody has been deceived, the church plus the world. Tout le monde a été trempé, l'Église et le monde. Because the church is the light of the nation. Parce que l'Église est la lumière des nations. The light of the world. La lumière du monde. So you say, the first prophecy would be deception. Alors il dit, la première prophétie, ce sera la tromperie. He said, watch out for deception. Il dit, prenez garde à la tromperie. When you see a dispensation of increased deception in the church. Quand vous voyez une dispensation d'augmentation de la tromperie dans l'Église, then know I am coming. Prepare. Alors maintenant, je viens. Préparez-vous. Number two. Numéro 2. Il dit, you'll hear wars and rumors of wars. Il dit, vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. And kingdom against kingdom, nation against nation. Royaume contre royaume, nation contre nation. When I gave the prophecy of the first horseman, quand j'ai donné la prophétie du premier cavalier, he's the white horseman. C'est le cavalier blanc. When I gave the second one, the Lord again before the throne, and the glory came, and the creature came and produced the red horse. Quand j'ai donné la deuxième, le Seigneur a parlé de nouveau devant le trône, et la gloire est venue, et la créature est venue et a relâché le cheval rouge. Red, meaning blood. Rouge, ce qui signifie le sang. Bloodshed, blood burn. Effusion de sang, bain de sang. Because I'm not going to handle those two, I want to handle the three and four. Parce que je ne veux pas en prendre en main les deux, je veux prendre en main les trois et four et quatre. That's why I'm summarizing those. C'est pourquoi je les résume. He said, there will be wars and rumors of wars, which means there will be bloodshed. Il dit, il va y avoir des guerres et des rumeurs de guerre, ce qui signifie qu'il y aura des effusions de sang. Once you see bloodshed on the earth, prepare coming. Quand vous voyez des effusions de sang sur la terre, préparez-vous, je viens. And yes, it is true, we have seen bloodshed, we continue to see bloodshed. Et c'est vrai, nous avons vu des effusions de sang, nous allons continuer à voir des effusions de sang. Listen to this. Écoutez ceci. Number two. Numéro 2. When he talks about bloodshed, he says, but be not alarmed, the end is not come. Quand il parle à propos des effusions de sang, il dit, mais ne soyez pas alarmés, la fin n'est pas encore là. The end, as you are going to see, la fin, comme vous allez voir, is the breaking of the seventh seal. I'm going to talk about the scroll and the seals. C'est le brisement du septième sceau. Je vais parler du rouleau et de ses sceaux. The scroll of God in heaven, I've seen. Le rouleau de Dieu dans le ciel, je l'ai vu. The Lord took me to the throne. Le Seigneur m'a amené devant le trône. And the Lord showed me this scroll. Et le Seigneur m'a montré ce rouleau. And there are seals. Et il y a des sceaux. The first prophecy, deception. La première prophétie, tromperie. Number two, bloodshed. Numéro 2, les effusions de sang. Number three, he says, there will be famines and hunger. Numéro 3, il dit, il va y avoir des famines et des tremblements de terre. Let me read it for you. It says, laissez-moi lire pour vous. Il dit, there will be famines and earthquakes in various places. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. If you are making notes, that's what you're writing. Si vous prenez des notes, c'est ce que vous êtes en train d'écrire. Number three is famines. Numéro 3, des famines. Number four is earthquakes. Numéro 4, des tremblements de terre. Now you can understand why the Lord sends me on over the earth. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi le Seigneur m'a envoyé tout autour de la terre. To prophesy earthquakes. Pour prophétiser les tremblements de terre. Now you understand why I went to Haiti to warn them before the Haiti earthquake. Maintenant, vous comprenez pourquoi je suis allé à Haïti pour avertir les gens de Haïti du tremblement de terre de Haïti. And when I spoke these words, et quand j'ai dit ces mots, and the earth obeyed these words, et la terre a obéi à ces mots, and the earth shook, et la terre a tremblé, more than 300 thousand lives were lost. Plus de 300 000 vies ont été perdues. When I went to Chile, quand je suis allé au Chili, just now, January 2009, c'était en janvier 2009. En janvier. On the Global TV, TVN, dans la TV globale, TVN, Télévision nationale de Chile. Télévision nationale du Chili. Chile had no reason for not believing the message. Le Chili n'avait aucune raison de ne pas croire le message. I remember in one of the big meetings in the church. Je me souviens d'un de ces grands rassemblements dans l'église. Obispo Cabrera. Le bishop Cabrera. Luis Cabrera. Luis Cabrera. His big church. When I was giving the message. Sa grande église. Quand je donnais le message. And I did a small healing service. Et j'ai fait un petit service de guérison. And the Lord created a new eye on a woman's socket which was not there. Et le Seigneur a créé un nouvel œil qui n'y était pas dans l'orbite d'une femme. So listen now, precious people. Alors, écoutez, précieux peuple. He says, il dit, there will be famines and earthquakes. Il va y avoir des famines et des tremblements de terre. If you listen to that prophecy I gave, si vous écoutez à cette prophétie que j'ai donnée, the vision of August 19th prophecy of Saturday, August 23rd, Sunday 24th, 2008, I said, there is a global famine coming. There is famine coming to the globe. La vision du 19 août, prophétie du samedi 23 août et ensuite le dimanche 24 2008, j'ai dit, il y a une famine globale qui vient sur le globe. Il y a une famine venant sur le globe. When Jesus went on and on, quand Jésus allait de là et de là, this is what he said farther down. C'est ce qu'il dit plus loin. He said, because of the increase of wickedness, parce que l'iniquité se sera accrue. The love of most will wax cold. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Let me just summarize everything. Laissez-moi juste résumer toute chose. The love for Christ will grow cold. L'amour pour Christ va croître froidement. And he goes on down to say there will be many false prophets and they will lie, they will deceive many people. Il va plus loin disant plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. And down the line he says two men will be wanted because of that wickedness of the day. Et plus loin il dit deux hommes travailleront ensemble de ces jours de l'iniquité qui se sera accrue. Two men will be wanted in the field. One will be taken. De deux hommes qui travailleront dans les champs. The other will remain, being 50% of the remnant. L'un sera pris et l'autre laissé, ce qui signifie 50% de l'église restante. A remnant will be preparing, but 50% will be left, 50 will be taken. L'église restante va être prise, mais 50% va rester. And also two women will be grinding on a mill. Et aussi, deux femmes moudront au moulin. One will be taken, the other one remain. L'une va être prise, l'autre va rester. Precious people. Peuple précieux. Two men will be working in the field. One will be taken, the other one remain. De deux hommes qui travailleront dans les champs, l'une va être prise, l'autre va rester. Two women will be grinding on a mill. One will be taken, the other one remain. Deux femmes moudront au moulin. L'une va être prise, l'autre va rester. Préparez-vous pour le Messie. Jesus is coming for a holy bride. Jésus vient pour une épouse sainte. Without holiness, nobody will see the Lord. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. So whether you're in the church or outside, que vous soyez à l'église ou en dehors, if you will not be holy at that hour, you will not enter the kingdom of God. Si vous n'êtes pas saint à cette heure, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Préparez-vous pour la venue du Messie.